J'ai traité ma destinée comme une fugitive. Un monde en flammes, c'est tout ce que j'aperçois vu d'ici. Il va pleuvoir en faire pousser les chrysanthèmes. Je sais qu'une pute est moins sordide que sa clientèle. Je n'ai pas eu foi en l'argent sale et son prestige. J'ai traversé la nuit et j'ai vu que les monstres existent. L'humanité n'est qu'une publicité mensongère. Une main tendue qui n'a aucune conviction en son geste. Accepter de ne pas laisser un souvenir mémorable. Apprendre à marcher avec une lame dans l'artère fémorale. Ne pas l'avouer serait malhonnête. Tôt ou tard j'irai pourrir dans un trou quelque part au bled. On a failli à la moindre de nos promesses. Beaucoup se sont perdus à suivre de faux prophètes. J'espère quand même que Dieu vous protège. Chez nous le diable est une beurette avec un gros derche. J'suis de ce coin où le vécu est illusoire. J'ai préféré apprendre à garder la tête froide. L'espoir est moins salutaire que le spiff du soir. Je partirai en étant ma propre bête noire. J'suis de ce coin où le vécu est illusoire. J'ai préféré apprendre à garder la tête froide. L'espoir est moins salutaire que le spiff du soir. Je partirai en étant ma propre bête noire. La vie n'est rien d'autre qu'une collision frontale. Il n'existe aucun homme qui est déplacé des montagnes. J'attends que le mal de vivre s'enclenche alors qu'ils me promettent une apocalypse sanglante. Ce sont mes proches qui ont éclairé ma gamberge. Si vous saviez à quel point mes parents sont braves. Même si les ombres ont étouffé ma lanterne, je n'entrerai jamais dans la tombe sans combattre. Je suis d'une espèce en qui la lumière est rarissime, qui a commis son premier meurtre avec un fratricide. Nos instincts ont penché vers le transgressif. Le monde est ainsi fait, personne peut le rendre paisible. J'aimerais penser qu'ils ont échoué à me pervertir. J'ai besoin d'un peu d'espace et d'une terre fertile. La mémoire restera mon aspirine. Je me rendrai en enfer, le corps imbibé de white spirit. J'suis de ce coin où le vécu est illusoire. J'ai préféré apprendre à garder la tête froide. L'espoir est moins salutaire que le spliff du soir. Je partirai en étant ma propre bête noire. J'suis de ce coin où le vécu est illusoire. J'ai préféré apprendre à garder la tête froide. L'espoir est moins salutaire que le spliff du soir. Je partirai en étant ma propre bête noire. J'suis de ce coin où le vécu est illusoire. J'ai préféré apprendre à garder la tête froide. L'espoir est moins salutaire que le spliff du soir. Je partirai en étant ma propre bête noire. Je suis de ce coin où le vécu est illusoire. Je suis de ce coin où le vécu est illusoire. Je suis de ce coin où le vécu est illusoire.